Mireille Kanyang. Eric Ouimana sur la mise en onde. Nous sommes vendredi 23 août. Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Les associations de la société civile désirant avoir des candidats membres au sein des commissions provinciales électorales indépendantes de la CENI doivent remplir certains critères, notamment le genre et l'ethnie, dit la CENI. C'était ce vendredi dans une réunion. Près de la moitié des stands au marché d'Ojabé, récemment réhabilités, sont inoccupés, affirme le commissaire de ce marché. Certains des commerçants ont aménagé dans d'autres marchés. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition également, vous aurez la chronique environnement sur les conséquences néfastes du curage des rivières traversant la capitale Bujumbura en cette période d'été. Les détails, c'est après quelques poussières de secondes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons cette édition par cette page Société en province et Moaro. Plus de 1800 orphelins et autres enfants vulnérables de cette province vont bénéficier d'un kit scolaire acheté par des cotisations collectées dans des groupements de solidarité encadrés par l'FVSMA de Burundi. Jeudi hier, en commune Gisozi a commencé cette distribution où 140 orphelins et autres enfants vulnérables ont reçu le matériel scolaire. La représentante légale adjointe de la FVS et le conseil socioculturel du gouverneur de cette province demande à ses enfants de prendre soin de ce matériel et de se consacrer aux études et des précisions de Laurent Dikourio. Ce matériel scolaire qui est donné à ces orphelins et autres enfants vulnérables a été acheté avec de l'argent destiné à cet effet et qui est cotisé par les membres des groupements de solidarité via la poche d'épargne et de crédit sous le modèle dit Nawenuze. Ces groupements sont encadrés par la FVS Amad Burundi qui leur donne des formations nécessaires. Cette distribution de ce matériel est prévue du 22 au 31 août de cette année. Ce jeudi, 140 orphelins et autres enfants vulnérables ont reçu ce kit scolaire en commune de Gisozi du matériel d'une valeur d'1,5 million de francs-bourg collectée par les membres de ces groupements de solidarité. Ces enfants disent qu'ils sont à l'abri des tourments liés au manque de matériel scolaire au moment où le début d'une nouvelle année scolaire approche. Caritas Abonimana, représentante légale adjointe de la FVS Amad Burundi, demande aux membres de ces groupements de solidarité de former des fédérations de ces groupements au niveau de zones ou de communes pour aider encore un grand nombre d'enfants. À ces derniers, elle leur demande de prendre soin de son matériel donné et de s'atteler au travail scolaire. Pour elle, cela permettra à ses enfants d'être plus tard utiles au pays et d'être en mesure d'aider ceux qui les aident aujourd'hui. Gouroué Claver, conseiller socioculturel du gouverneur de la province de Moaro, lui emboîte le pas. Il conseille à ses enfants de travailler de façon assidue afin de se défaire de la situation où ils se trouvent pour le moment. De Moaro, Laurent Dikouli, Radio Isanganiro. Laurent Dikourio, poursuivons cette édition par la page politique. Un nouveau parti politique, Mouvement des Patriotes Humanistes, a été récemment agréé par le ministère de l'Intérieur. Ce nouveau parti est dirigé par Nick Paul, Casimir Nichaenzi et d'autres anciens membres de certains partis politiques ou militants de la société civile. Haruna Hunduiga, porte-parole de ce parti, dit qu'ils se sont mis ensemble pour apporter leur pierre angulaire dans le développement du pays. Je vous prie de le suivre au téléphone avec Aubin Nyonghuru. D'abord, nous devons dire que dans le but de donner une contribution, les uns les autres se positionnent et nous aussi nous avons jugé bon de nous positionner. Et puis, c'est que d'abord, c'est un parti qui regroupe des gens de toutes tendances, de toutes ethnies, de toutes confessions. Et ce sont des gens qui veulent justement donner leur contribution dans l'édification de cette belle nation. C'est aussi dans le cadre de pouvoir conjuguer les efforts avec les autres. Parce que, comme on le dit, à deux ou à plusieurs, on est plus fort. Et votre parti est constitué généralement d'anciens membres et des autres partis politiques. Est-ce que vraiment ce parti aura quelque chose de nouveau? N'est-ce pas un élément de plus de partis que d'actes sur terrain? Dans un premier temps, je dois dire plutôt que ces figures justement qui viennent de différentes formations politiques, qui sont aussi aux côtés d'autres figures qui n'ont jamais fait partie de formations politiques, qui étaient considérées comme neutres jusqu'à aujourd'hui. Et c'est plutôt un atout. C'est un atout, c'est une grande force et qui pourra justement faire en sorte que l'on soit un peu plus actif sur le terrain. Le MPH est agréé à quelques mois des élections générales. Est-ce que ce parti est prêt à se lancer dans cette campagne électorale? Oui, bien sûr. Quand on crée une formation politique, c'est beaucoup plus justement pour participer aux élections, parce que quand on ne participe pas aux élections, on n'a pas comme tel suffisamment l'occasion de donner sa contribution. Nous allons participer dans ces élections et c'est par là justement que nous verrons quelles forces nous avons et comment les gens comprennent notre programme. Haruna Hunduiga, c'est le porte-parole de ce nouveau parti politique, Mouvement des patriotes humanistes, récemment agréé par le ministère burundais de l'Intérieur. Je vous l'avais annoncé en titre, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a appelé les associations de la société civile qui désirent avoir des candidats membres des commissions électorales provinciales électorales de se conformer aux critères de sélection. Parmi ces critères figurent l'aspect genre et ethnie. Cet appel ressort d'une réunion de ce vendredi entre les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les représentants des associations de la société civile sur les préparatifs des élections de 2020. Et les responsables des partis politiques et les gouverneurs des provinces se sont fixés en moi pour avoir coupé court à l'intolérance politique. C'est une recommandation qui ressort d'une réunion de ce jeudi dirigée par le premier vice-président de la République à l'endroit des gouverneurs et responsables des partis politiques, alors que certains responsables des partis politiques dénonce la partialité de certains administratifs. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD demande au gouvernement de sanctionner des dirigeants pareils, en avis soutenu par les participants à la réunion. Des précisions d'Elinibel Nibikira. C'est l'un des leaders des partis politiques qui dénonce certains administratifs qui ne se distinguent pas de leur parti politique. Agathon Rwasa, président du parti CNL, trouvait que cela risque d'entacher les prochaines élections. Je dirais que la menace qui pèse sur les prochaines élections, c'est l'intolérance politique et la diabolisation que certains utilisent parfois. Et puis, à côté de cela, il existe des administratifs qui ne se distinguent pas de leur appartenance politique. Sur ce sujet, le parti CNDD-FDD s'étonne des administratifs qui ne sanctionnent pas les fauteurs de troubles dans des partis politiques. Évariste Ndayishimiye, secrétaire général de ce parti, considère qu'il s'agit de stratégies de demande de place, alors que, selon lui, il devrait travailler pour tous les Burundais. On parle souvent de l'état démissionnaire à la veille des élections. Si c'est le gouverneur ici du CNDD-FDD, il se dit qu'il doit demander un poste au responsable provincial du CNDD-FDD. Je dois le respecter même lorsqu'il a tout gâché. Dans ce cas, le gouvernement semble perdre de vitesse ou n'existe plus. Je demande aux institutions de l'État de démontrer que l'État existe. Mais dire que tu demandes des postes, non. Tu es gouverneur ou administrateur, tu représentes le gouvernement. Tu as le devoir de travailler pour tous les Burundais, qu'ils soient pimés. Lisant les recommandations formulées dans cette réunion, Sylvestre Marora, du Conseil national de sécurité, donne à moi pour avoir calmé la situation d'intolérance politique. Les participants à cette réunion se donnent un mois pour une bonne gestion des activités des partis politiques, surtout la tolérance politique, pour qu'il n'y ait plus ceux qui se regardent en chien de faïence ou se chamaillent. Après un mois, il y aura une réunion d'évaluation de la situation. Le document contenant les recommandations issues de cette réunion sera transmis aux responsables administratifs et des partis politiques au niveau local. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro. Des intervenants dans le secteur du café dénoncent des cas de caféiculteurs qui, se cachant derrière le programme de redynamisation de la filière café, déracinent leurs plans sans envisager de les remplacer. Le président de la Fédération des caféiculteurs de Muyinga indique qu'il est strictement interdit de dessoucher un plan sans être inscrit au programme de remplacement des vieux plans. Un moniteur qui couvre de tels cas jusqu'ici réduit se verra licencié d'après le président de la Fédération caféicole. Les détails avec Dieudonné plutôt. Nzeiman. Le pari des organisations caféicoles et le renouvellement de vieux vergers du café, mais certains cultivateurs se déroulent à la règle. Révérien Nilameba, un des gestionnaires des coopératives et caféicoles, le révèle par endroits. Des plants de café sont dessouchés par des cultivateurs de mauvaise foi, sans intention de les remplacer par de nouveaux plants. Pourtant, les directives sont claires. Les propriétaires de vieux plants n'ont pas le droit de les dessoucher à la seule condition d'être inscrits au programme de redynamisation du café et bénéficier de nouveaux plans gratuitement. Jean-Pierre Nabomenyereye, président de la Fédération des caféiculteurs de Muyinga, sans nier qu'il y ait des plants dessouchés non remplacés par les docas isolés. Des moniteurs de café sont par endroits pointés du doigt pour couvrir ceux qui déracinent le café. Le président de la Fédération signale que celui qui est coupable de tel ajustement perd directement à son poste. À ceux qui demandent une loi spécifique pour punir ceux qui dessouchent le café, le président de la Fédération indique qu'on met en avant jusqu'ici la sensibilisation. C'est au moment où j'ai dit les intervenants dans le secteur café étaient en consultation sur les mécanismes de gestion des réclamations dans les provinces prioritaires du projet d'appui à la compétitivité du secteur café. Les techniciens de la Fédération de Muyinga sont plutôt fiers. En une seule année, plus de 2 millions de plants ont été donnés aux caféiculteurs pour remplacer les vieilles plantations. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Dieudonné Nzeyimana, quittons la province Muyinga pour revenir à la mairie de Bujumbura où les différentes rues délabrées menant vers la zone Guihoche à partir du boulevard Mwenzi Gisawa, ancien boulevard du 28 novembre, ne peuvent être réhabilitées par la seule zone de Guihoche suite au manque de moyens, dit le chef de zone, que je vous prie de suivre. Pour ces routes qui entrent dans les quartiers, je dirais que en général, ce ne sont pas seulement ces routes qui entrent dans ces quartiers, des quartiers Gikungu 1, Gikungu 2, communément appelé Mutanga Nord, mais c'est en général dans la mairie de Bujumbura. Partout dans les zones, il existe des routes abîmées. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de faire, nous, vous savez qu'il y a le programme des travaux communautaires qui se font chaque fois le week-end. C'est-à-dire que quelquefois, au niveau de la zone, nous organisons ces travaux communautaires. Même au niveau du quartier, quelquefois, ils le font. Nous essayons de mettre de la terre dans ces trous et nous essayons de les compacter, mais malheureusement avec le poids des véhicules qui passent, ça peut durer une journée ou deux journées et ça recommence. Donc avec de la terre et les routes macadamisées, c'est très difficile. Mais ce que nous avons fait aussi, nous avons donné le rapport aux autorités hiérarchiques. Si vous observez dans la municipalité de Bujumbura, surtout au centre-ville, même ici en zone Ngagala sur le rond pour les Nations Unies, vous voyez qu'on est en train de réhabiliter certaines routes. Nous gardons toujours bon espoir que même chez nous, ici, en zone Guihoche, un jour J, la mairie arrivera pour réhabiliter ses routes. Dans la loi communale, on donne des prérogatives aux chefs de zone de s'organiser pour réhabiliter les routes qui entrent dans les quartiers. À votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avec cette loi, je pense que cette loi est praticable pour les communes de l'intérieur, où ces communes ont l'autonomie de gestion. Tandis que ici à Mendo Bujumbura, on n'a pas encore appliqué la décentralisation ici à Mendo Bujumbura pour vous dire que les communes n'ont pas des moyens pour réhabiliter elles-mêmes ces routes. Le chef de zone Guihoche au micro de Mireille Naomi Nitegeka. Je vous l'avais annoncé en titre en page commerce. Des stands non opérationnels s'observent au marché moderne de Jabé récemment réhabilité. Des commerçants de ce marché indiquent que les propriétaires des stands ont opté d'aller travailler dans d'autres marchés. Les marchandises ne sont pas facilement écoulées, disent-ils. Ces commerçants demandent à l'État de suivre de près les activités de ce marché comme cela a été promis. Des précisions de Marie-Claire Kazenez. Ces places non occupées au marché moderne de Djavé appartiennent aux commerçants qui, après avoir réhabilité ce marché, ne sont plus revenus. Les commerçants rencontrés sur place et dans la matinée de ce vendredi nous ont révélé que le mouvement des clients est plus faible par rapport dans le passé, ce qui paralyse leurs activités. Nos activités sont presque paralysées car beaucoup de stands sont inoccupés. Ce qui nous aidait à motiver les clients ne sont plus là. Ce qui est allé les souliers sont partis au marché de chez Sion. Nous les avons appelés pour travailler ensemble, mais en vain. Nous travaillons à perte. On peut passer une journée sans avoir aucune sortie. Le représentant des commerçants à ce marché de Djabé dit que malgré la présence des marchandises et aussi de bonne qualité, celles-ci ne sont pas écoulées convenablement. À cet effet, il demande à l'État de tenir sa promesse dans le suivi des marchés publics que dans celui de Djavé. Ce marché moderne de Djavé, se trouvant dans la commune de Mukaza, en mairie de Bujumbura, a débuté ses activités au début du mois d'octobre 2018. Celui-ci compte plus de 2000 places et parmi elles, comme nous l'a dit le commissaire de ce marché, plus de la moitié sont inoccupées. Marie-Claire Kazeneza, des acheteurs de différents produits déplorent la cherté des emballages biodégradables. Ces sacs ne sont non plus faciles à utiliser. Se rencontrer ce vendredi au marché dit chez Sillon et Cotebou suggère plutôt que ces emballages soient vendus à un prix abordable. On est là, mucho. Au marché d'Issyan, comme au marché Cotebou, des commerçants continuent à vendre des sachets en plastique qui se vendent entre 100 francs et 500 francs. Mais à côté de ces sachets en plastique, ils vendent également des enveloppes biodégradables vendues entre 1000 francs et 4000 francs bout. Certains commerçants disent que les clients préfèrent utiliser et acheter les sachets en plastique parce qu'ils sont moins chers par rapport à ceux biodégradables. Si quelqu'un achète un article de 200 et l'autre achète un autre article de 1000 francs, vous trouvez que c'est sur des prix différents. Il faudrait plutôt qu'on augmente la production de ces articles. Une fille rencontrée en train de faire des achats dans un sachet de 200 francs trouve que les enveloppes biodégradables devraient être sur un prix abordable pour faciliter et inciter les gens à les utiliser. Cela est ainsi au moment où le 22 août de cette année était la date limite fixée par le ministère de l'Environnement de ne plus importer les sachets en plastique. Radio Isanganiro, chronique environnement. Place à la chronique environnement de ce vendredi, l'état des lieux des différentes rivières qui traversent la ville de Bujumbura est alarmant à cause des différentes activités de curage. Ceci est dit par un expert environnementaliste Albert Mbonerane. Selon lui, il est conseillé de faire le curage pendant la saison pluvieuse parce que c'est pendant cette période que les rivières amènent le trou-plein des montagnes. Cette chronique environnement est signée Christella Nizigama. Ces activités de curage sont confondues avec des sites d'exploitation minière quant aux méthodes et pratiques utilisées. Selon l'expert environnementaliste Albert Mbonelane, certaines rivières sont menacées par ces activités. Le curage, ça signifie que l'on prend le trop-plein que la rivière amène. Maintenant, je change. Quand on fait l'exploitation, je dirais minière, cherchant donc le sable, le gravier, pendant la saison sèche, alors que la rivière n'apporte rien, là on est en train de dégrader complètement la biodiversité de ces rivières. Aujourd'hui, si vous allez sur la rivière de Kanyosha, si vous allez sur la rivière de Mugere, vers le Kabezi, vous allez trouver que le lit mineur de la rivière est devenu comme un grand espace. Aujourd'hui, quand il va pleuvoir, la rivière va passer par où? Ça va faire des méandres, etc. D'où il peut y avoir beaucoup de conséquences sur la destruction des bâtiments. Selon Albert Mbonelane, des conséquences liées aux activités de curage se sont déjà manifestées. Les conséquences, première, c'est l'effondrement des infrastructures qui ont été érigées au bord de ces rivières. Quand la maison s'écroule, on risque de porter plainte contre le gouvernement. L'autre conséquence, ce sont une perte économique. Imaginez-vous si vous avez investi dans la construction d'un beau bâtiment et puis après quelques temps, comme la rivière ne peut plus, donc il y a effondrement, ce sont des pertes. Pour pallier à ceux qui font le curage avec la protection des rivières, Bonnelanet propose une période sans curage comme on l'a fait dans le secteur de la pêche. Il devait y avoir une mesure qui dit, voilà, comme il faut apprécier ce qui se fait au niveau du ministère de l'Agriculture, surtout au secteur pêche, quand on a vu qu'il y avait une sorte de surpêche et que ça dégradait d'abord les richesses en poissons, mais aussi sur la biodiversité du lac Tanganyika. Mais maintenant, ils ont dit, il y a une période où on est autorisé à faire la pêche et une autre période pour la pause pour que les poissons puissent se multiplier. Il en est de même pour le curage. C'est le gouvernement qui doit s'impliquer dans la protection de ces rivières tout en protégeant la personne humaine. C'est le gouvernement qui doit mettre en place des mesures, je dirais, draconiennes pour dire attention, voilà ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Pour le curage, il faudrait que le gouvernement dise, voilà, les mois où on peut faire le curage, c'est de tel mois mois à tel mois. Et puis que pendant la saison sèche, moi, je proposerais qu'il n'y ait plus d'occurage. Sinon, on risque de tout dégrader, de tout abîmer. Selon l'expert environnementaliste Albert Bonnet-Lanet, la terre nous parle. Écoutons ce que la terre nous dit. Ces rivières doivent être protégées dans l'urgence. Christella Nizigama est séparée à cette chronique environnement que je mets en point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Riku Imana qui a assuré la mise en onde, à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.